On sait ainsi que, jeune acteur, il apprenait non seulement ses répliques, mais aussi celles des autres. Il était déjà, à 20 ans, tous les acteurs du monde, l'archange hollywoodien de sa génération. Alors j'ai revu la firme l'autre jour, le Tom Cruise movie érigé en classique. Il ne s'agit pas seulement de le faire se confronter à la fin au grand méchant du film, au mafieux qui l'emploie en secret. Il faut qu'il ait couru d'abord à travers toutes les rues de Memphis, qu'il ait franchi le Mississippi, vaincu deux tueurs et sauvé sa carrière d'avocat idéaliste. Les meilleures répliques du film, Tom Cruise les donnera ainsi en sueur, essoufflé, mais sublime. Et aucun doute sur le fait que l'acteur était bien lui-même ce jour-là en sueur, essoufflé, mais sublime, car Tom Cruise, et c'est cela son charme unique, ne joue jamais, ce sont ses rôles qui jouent Tom Cruise. Entre 1983, date de sortie de Risky Business, et maintenant, cela fait 37 ans que Tom Cruise joue sans aucune interruption. Donc au fond, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'est jamais descendu de scène, que tout est factice. Je veux dire, au contraire, que tout est vrai, que cette star hollywoodienne, il l'incarne sans interruption et au premier degré. On vient, justement, d'en avoir la preuve ce matin, avec la diffusion, par le Sun, d'un mauvais enregistrement audio de Tom Cruise d'un peu moins de 2 minutes. 2 minutes de Tom Cruise off, c'est-à-dire entre deux prises, sur le tournage de Mission Impossible 7. Et ces 2 minutes sont peut-être déjà le meilleur film hollywoodien qu'on ait vu cette année. Il faut entendre ici hollywoodien au sens d'homérique, car il s'agit de l'enregistrement d'une colère de dimension mythologique. On se souvient peut-être, il y a un peu plus de 10 ans, de la célèbre colère de Christian Bale, parce qu'un technicien l'avait seulement regardé. Eh bien, la colère de Tom Cruise vient d'atomiser la colère de Christian Bale. Donc Tom Cruise serait le nom d'une colère ? Alors, il faut déjà savoir que ce qui est arrivé à Christian Bale n'aurait jamais pu arriver à Tom Cruise, car il est contractuellement interdit de le regarder sur un plateau de tournage. Et c'est là justement tout le sel de la situation. Tom Cruise vient une nouvelle fois de démontrer que sur un plateau, il contrôle tout. L'objet de sa colère, ce sont en effet 2 techniciens qui ne respectaient pas les 2 mètres exigés par les règles de distanciation sociale. Sur un plateau, Tom Cruise contrôle tout, même la politique sanitaire mondiale. Et ses propos, tout sauf incohérents, malgré la colère, racontent à leur façon notre monde quand Tom Cruise explique qu'il ne dort plus car il dialogue la nuit avec les studios, les assureurs et les banquiers. Les soucis de Tom Cruise, à cet instant, ce sont les nôtres. Et pourtant, jamais une star hollywoodienne n'avait aussi bien tenu son rôle, outre le caractère shakespearien impeccable de sa colère. Et ce rôle, c'est d'assurer la stabilité et la cohérence de notre monde alors qu'une pandémie essaie de le défaire. Alors si ce n'est pas la colère, de quelle émotion Tom Cruise est-il le nom ? Tom Cruise a toujours eu un côté un peu flippant et c'est vrai que je n'aurais pas aimé me faire hurler dessus ainsi. Mais sa colère a pourtant quelque chose de paradoxalement rassurant. Alors que la pandémie a mis tout le monde un peu KO, il existe une personne qui ne lui a rien cédé, un héros authentique. L'émotion que Tom Cruise a provoquée chez moi, c'est la gratitude. Eh bien, quelle déclaration, Aurélien Bélanger. Merci beaucoup. Je vais aller écouter cet enregistrement et on peut réécouter votre chronique sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Avril Poignant-Le Goff, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine autour des fragments amoureux de Roland Barthes. À la lecture des textes, c'est Denis Podalydès, vous entendez aussi du Fabrice Lucchini et du André Dussolier qui lit Proust aussi. Clément Datet et la prise de son ce matin. On se donne rendez-vous demain pour la suite et fin de cette série. Demain, on parlera de la scène de ménage et on sera en compagnie de Chantal Thomas. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France, grâce à laquelle vous pouvez écouter les émissions en direct ou en téléchargement en podcast pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.